En guise d'introduction sur un sujet qui n'a pas été abordé encore actuellement en conférence, alors qu'on en est à la, je crois, 49e, les enfants de l'avenir. Extrait d'un texte emprunté à la Genèse du surhomme de Sattrem. Aussi bien l'apprenti surhomme pourra-t-il commencer sa bataille très tôt. Nous naissons sous une cloche de plomb. Elle nous entoure bien, elle est hermétique et invisible, mais elle est là. Elle coiffe nos moindres gestes, nos moindres réactions. Nous naissons tout faits, pourrions-nous dire, mais cette facture-là n'est pas la nôtre, ni dans le meilleur, ni dans le pire. C'est un million de sensations qui ne sont pas encore des pensées, mais comme des semences de désir ou de répulsion, des odeurs de crainte, des odeurs d'angoisse, comme un subtil salpêtre qui tapisse nos caves. Des couches et des couches de défense et d'interdits et quelques rares permissions qui sont comme la même fuite d'une même ruée obscure dans nos tunnels. Et puis là-dedans, un petit regard étonné qui n'y comprend rien, mais à qui l'on a vite fait d'apprendre la vie, le bien, le mal, la géométrie et les tables de la loi. Un petit regard qui se voile et qui ne comprend définitivement plus rien quand on lui a tout fait comprendre. Parce que le principe évident, naturel, est qu'un enfant ne comprend rien et qu'il faut lui apprendre à vivre. Mais il se pourrait fort bien que l'enfant comprenne très bien, même si ce n'est pas conforme à nos structures, et que nous lui apprenions seulement à enterrer sa connaissance pour la remplacer par une science toute faite qui l'enterre pour de bon. Mais la vraie personne est là, toute là, candide et grande ouverte dans le regard d'un enfant qui vient de naître. On y ajoute seulement la misère et la lutte. Nous croyons formidablement, intensément, aveuglément, le pouvoir de la souffrance. C'est le sceau subconscient de toute notre civilisation occidentale depuis 2000 ans. Et peut-être était-elle nécessaire vu l'épaisseur de notre substance. Mais la loi de la souffrance est une loi du mensonge. Ce qui est vrai sourit, c'est tout. La souffrance est le signe de la fausseté. Elle va avec elle, elle est le produit de la fausseté. Et croire que cette souffrance nous enrichit, c'est croire que la tuberculose est un bienfait des dieux. Et v'là. Pour terminer, Sattrem cite un texte d'Aurobindo sur les enfants de l'avenir. Il dit « Je les ai vus traverser le crépuscule d'un âge, les enfants aux yeux de soleil d'une aube merveilleuse, puissants briseurs des barrières du monde, corps resplendissant de la lumière de l'esprit, porteurs du mot magique. Ils sont là, ils viennent, ils frappent à la porte de notre âge, ils renverseront nos murs. » J'ai noté aussi une chose particulière dans ce livre, c'est que Sattrem pose une question, il pose beaucoup de questions d'ailleurs, sous un chapitre intitulé « Le feu du nouveau monde », il dit « Mais quelle est cette nouvelle conscience apparue soudain en l'an de grâce 1969 de notre évolution ?» Alors comment c'est que Bernard de Montréal a vécu sa fusion en 1969 ? Je ne pense pas que ce soit une allusion de Sattrem directement à Bernard de Montréal. Ils ne se connaissaient pas peut-être de personne à personne. Mais il y a donc effectivement une énergie que ces gens-là ont pu reconnaître dès 1969. Et c'est le signe annonciateur pour eux autres de la naissance de ces enfants de l'avenir. Donc les enfants qui seraient nés après 1969 auraient déjà un comportement particulier, une conscience nouvelle qu'ils commenceraient à manifester dans les foyers à travers le monde. Alors je voudrais savoir de la part de Bernard de Montréal d'abord... s'il est en accord avec cette supposition qu'à partir d'une certaine chronologie de l'apparition de cette énergie, de cette nouvelle conscience, il y a des enfants qui apparaissent sur Terre pour amener ces changements qui sont nommés ici renverseurs de murs, briseurs de barrières du monde. Alors, quelle est cette différence entre ces enfants de la volupté et ces enfants de la volonté? Ce qu'il appelle les fils de la lumière, les hommes nouveaux, le surhomme, ou les hommes qui survivront au néant de la civilisation évolutive, sont effectivement des êtres qui puiseront leur énergie à partir d'une nouvelle vibration qui est descendue sur le plan matériel en 69 et qui a créé dans le mental humain un lien universel. Je veux parler un peu du lien universel. Au début de l'évolution de l'homme, l'homme vivait, connaissait le lien universel, mais il n'avait pas d'identité. L'homme était perdu, était enveloppé, si vous voulez, dans une sorte de conscience universelle, mais il ne possédait pas sur le plan mental, sur le plan égoïque, un centre d'énergie suffisamment solide pour pouvoir comprendre les lois de cette universalité. L'homme vivait, si vous voulez, dans un état euphorique de vie. Et la différence entre l'homme de cette période pré-adamique et l'homme de la prochaine évolution, sera justement fondée sur le fait que l'homme nouveau aura accès non pas simplement à une condition de vie planétaire qui serait d'ordre euphorique, en relation avec ses pouvoirs sur la matière, ainsi de suite, mais l'homme aura une conscience mentale gravée en lui-même, qui sera issue de sa capacité d'avoir compris les lois du mensonge cosmique. Il y a, vous savez, quand on entend des mots, il faut toujours prendre conscience du temps qui va entre la parole et ce qu'elle explique. Évidemment, lorsque Satrem parle de la souffrance qui est anti-homme, la souffrance, elle est anti-homme. Il n'y a pas dans la souffrance de... Il n'y a rien de bon dans la souffrance. Mais le passage de l'homme de l'involution à l'évolution créera dans l'homme de la souffrance. Parce que l'homme ne peut pas passer d'un état de conscience mentale involutive à un état de conscience mentale pure sans être obligé de démolir en lui ce qui a constitué pendant l'involution l'illusion de sa personnalité. Et lorsque l'homme aura achevé cette étape, éventuellement, naturellement, il n'y aura plus de souffrance sur le plan matériel dans sa vie parce que l'homme aura intégré son énergie. Et il faut faire attention lorsque nous lisons des livres ou que nous parlons avec des hommes que nous pouvons appeler des hommes sages. Nous devons faire attention et comprendre que la sagesse fait partie de l'intelligence du cœur et qu'elle est une notion psychologique et psychique de l'harmonie. Mais elle n'est pas une invasion, où elle n'est pas le produit de l'invasion de la lumière à travers les ténèbres. Ça demanderait beaucoup de développement, ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que il y a des hommes dans le monde, des hommes sensibles qui vivent dans des endroits qui leur permettent de développer, de penser et de rajeunir, si vous voulez, l'esprit humain qui est très vieux et fatigué. Et leur philosophie, leur métaphysique, est une philosophie ou métaphysique basée sur l'approximation réelle de l'homme dans un avenir lointain. Autrement dit, ce que vous appelez l'idéalisme. Et souvent, les hommes vont pour se rapprocher de ces messages ou de la vertu de ces messages. Ces hommes vont se retirer dans des conditions de vie que nous appelons souvent, par exemple, dans l'Orient des ashrams. Ils vont se retirer dans des endroits où la vie est belle, les fleurs, les oiseaux, Mais il y a beaucoup plus à la vie que ça. Parce que la vie de l'avenir, la vie du surhomme, ne sera pas simplement une vie qui sera limitée à un petit coin de la terre. La lumière va descendre et nourrir toutes les générations d'hommes, mais toutes les générations d'hommes ne seront pas prêtes à la vivre, cette lumière, dans un même temps. Il y a des races aujourd'hui qui sont beaucoup plus évoluées sur le plan de l'esprit que d'autres. Il y a des races qui sont plus matérielles, il y a des races qui sont plus prisonniers de certaines formes que d'autres. Donc, chaque race représentant une personnalité de l'humanité va vivre cette descente dans un temps qui convient à sa propre évolution. Mais sur le plan individuel, les hommes qui passeront de la conscience de la race. Conscience de la race veut dire l'impression génétique de la mémoire représentant la totale définition de la personnalité inconsciente et servant de point de rencontre entre ce que j'appelle la liberté future de l'homme et l'abîme d'aujourd'hui. J'ai déjà dit que le libre arbitre n'existe pas. J'ai déjà dit que l'homme de demain sera un être libre. Être libre veut dire avoir un contact universel avec l'énergie et pouvoir, sur le plan matériel, à cause de l'harmonie de nos centres, pouvoir utiliser cette énergie selon l'intelligence de l'homme que l'énergie lui donne. Tandis que le libre arbitre est simplement une notion philosophique de l'homme basée sur les lois de causalité. loi qui n'est que l'extension psychologique de son moi. L'homme deviendra libre, mais pour passer du libre arbitre qui est illusoire, mais nécessaire, qui fait partie de l'évolution, à la liberté totale de l'homme, qui révélera son identité, il faudra une période de transition pour l'homme. Et ce que les penseurs spirituels, les grands hommes, Satrem Aurobindo et tous ces hommes, n'ont pas pu évaluer dans leur existence, parce qu'ils ne faisaient pas partie du processus de fusion, c'est qu'il doit y avoir une période de transition entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Et cette période de transition, c'est une période qui sera marquée par la souffrance, c'est-à-dire qu'elle sera marquée par le feu de l'énergie qui fera éclater dans l'homme les formes. Et un des grands hommes qui a vu cette période-là, c'était le pape Jean XXIII, lorsqu'il a dit « Les fils de la lumière souffriront de grandes souffrances. » Et c'est impossible de passer d'un état... Je vous donne un exemple. Supposons que nous prenions une personne dans la salle, et que nous disions à cette personne, pour passer de ce stage de l'évolution à l'évolution au niveau de votre personnalité, il vous faut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Vu à partir de l'esprit, ce que cette personne aurait à faire, sur le plan psychologique, ce ne serait pas acceptable. Aucun homme ne pourrait lui faire, parce que la souffrance serait trop intense. Mais l'esprit, la lumière de l'homme, son intelligence créative, son lien universel, son double, sa nature, en dehors de sa personnalité, peut lui faire faire ceci. Parce que, de l'autre côté de la barrière, il n'y a pas de temps. On n'est pas pressé. 20 ans pour l'évolution ou la transmutation d'un homme, c'est court. 20 ans pour la transmutation de l'homme, c'est rien. Donc, l'homme passera de l'évolution à l'évolution par une période de transition, et cette période de transition sera arrêtée. Autrement dit, il y aura, vers la fin du siècle, une situation dans le monde créée par un homme qui fait partie de tout ce mouvement de la lumière vers la Terre, en relation avec cette race racine, mais aussi en relation avec les gouvernements mondiaux. Il y aura un homme qui ouvrira ce qu'on appelle un tunnel dans les terres et qui permettra que finalement ces hommes qui sont prêts, qui sont dans différents pays et qui sont prêts, puissent finalement se diriger sur une longueur d'onde qui les amènera à reconnaître l'indivisibilité de la conscience humaine, c'est-à-dire la capacité de l'homme de passer d'un espace-temps à un autre. Mais ceci ne se produira pas tout de suite parce que il doit y avoir aujourd'hui dans le monde des expériences à l'échelle mondiale qui représente dans le fond la comptabilité de l'humanité. Quand on vient au monde dans un pays ou quand on vit certaines expériences dans un pays, on vit toujours ces expériences en fonction de la pérégrination de l'âme. Il y a une comptabilité. S'il n'y avait pas de comptabilité, s'il n'y avait pas de loi d'équilibre, il n'y aurait pas d'évolution. Donc il y a des hommes qui viennent sur le plan matériel pour faire telle expérience, d'autres hommes pour faire telle expérience, et aujourd'hui l'humanité est à un stage où, si nous la considérons dans ses configurations astrologiques ou planétaires, elle est à un stage où tout, dans le cosmos astral, ou autrement dit, tout ce qui fait partie de ce que j'appelle le monde de la mort, se tend contre elle. Autrement dit, plus l'homme devient intelligent dans le mental évolutif sur le plan de la technique, plus il devient ou plus il manque d'intelligence dans le mental supérieur sur le plan de l'esprit. Et cette dualité, cette confrontation entre les deux états de l'homme va créer les souffrances de l'humanité que les hommes nouveaux, que les fils de la lumière réussiront à réaliser et à passer à travers pour une raison seulement, c'est qu'ils ne se feront pas influencer émotivement ou psychologiquement par ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est une des raisons fondamentales pourquoi je me suis toujours empêché en public de parler prophétiquement. Pour que l'homme comprenne que ce n'est pas important qu'il se passe telle chose ou telle chose ou telle chose dans le monde dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Ce qui est important, c'est que l'homme en arrive au cours de ces années, à être intégré dans son énergie pour pouvoir facilement passer à travers ces événements. C'est un peu le but, l'objectif de votre travail. C'est le but de mon travail sur le plan psychologique comme je fais aujourd'hui ou même sur le plan de la science. Mais je ne suis pas prêt aujourd'hui sur le plan de la science à travailler avec la communauté scientifique mondiale, je dois travailler avec des individus en particulier pour que eux, demain, lorsque le temps sera venu pour faire certains travaux, soient prêts à travailler sur le plan de la science, non en fonction des lois des monopoles ou en fonction des lois monétaires ou en fonction des lois économiques ou des pressions politiques d'aujourd'hui, mais en fonction d'autres principes qui seront établis dans ce temps-là. Mais nous sommes aujourd'hui en 1986, à une période qui n'a pas atteint encore son maximum. D'ailleurs, je remarque que j'écrivais dernièrement que la seconde fondation de l'homme viendra aux alentours des années 2060. Donc, ce que j'appelle la deuxième fondation, la première fondation, c'est la fondation qui a permis à l'homme d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. La deuxième fondation sera la période qui permettra à l'homme de passer d'un état de conscience à un autre. L'homme de la deuxième fondation ne fera plus partie de l'humanité. L'humanité telle que nous la considérons aujourd'hui ne sera plus telle qu'elle est. Et il y aura entre la première et la deuxième fondation une période transitoire, et c'est cette période transitoire qui ne fait pas partie du savoir de l'humanité aujourd'hui. Et cette période transitoire, elle est très importante parce qu'à l'intérieur de cette période, il y aura une reconfiguration des nations, un réajustement des lois économiques, un réajustement du pouvoir politique des nations, et aussi un réajustement dans l'esprit des nations, du pouvoir de la conscience individuelle, afin que des hommes puissent finalement commencer à s'individualiser pour pouvoir supporter le choc qu'ils vivront lorsque l'homme passera de la première à la seconde fondation. C'est pour ça que la période entre 1969 et l'année 2060 est une période qui est importante, non pas sur le plan spirituel ou sur le plan politique ou sur le plan de l'aliénation des hommes vis-à-vis des nations ou de l'aliénation des nations vis-à-vis elles-mêmes, mais elle est importante sur le plan de l'expérience de l'individu vis-à-vis les chocs créés dans le monde pour la reconstitution de son identité parfaite. Un homme qui n'est pas capable, à cause de ce qu'il a appris, à cause de ce qui fait partie de sa connaissance psychologique, à cause des impressions, autrement dit, qui font partie de sa personnalité, un homme qui n'est pas capable de dépasser les courants astraux qui lui enlèvent de l'identité, ne pourra pas passer de la première fondation à la deuxième, parce que le passage de la première fondation à la deuxième fondation sera un passage extrêmement difficile sur le plan psychologique. Non pas difficile parce que il ne sera pas expliqué à travers des ouvrages comment l'homme doit passer de cet âge à cet âge, mais parce que l'homme n'aura pas la force suffisante, quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, n'aura pas la force suffisante pour supporter sa propre lumière. Donc il y aura un certain nombre d'hommes dans le monde qui auront cette force. Ces hommes passeront à la deuxième fondation, et les hommes qui feront partie de la deuxième fondation seront totalement invisibles à l'humanité d'aujourd'hui. Ils auront une technologie immatérielle, ils feront partie du gouvernement invisible, ils traiteront directement avec l'invisible des autres espaces-temps, ils feront partie des décisions gouvernementales interplanétaires, intermondiales, ils seront totalement différents dans leur constitution psychique, ils auront un autre mental. Mais l'homme qui passe de cette position aujourd'hui à cette position demain, ça, c'est le fils de la lumière qui commence à grandir. Et en même temps, les masses de personnes dans le monde qui devront finalement retourner au monde de la mort pour revenir dans un autre âge qui sera beaucoup plus propice à leur propre évolution. Bon. Aurobindo annonçait, lui, une période de transition de 300 ans. Et Sadprem disait, non, ça va être accéléré, le temps est accéléré. Est-ce que cette accélération-là, elle pourrait se justifier dans le sens qu'en fin de cycle, il y a comme une espèce de récapitulation de toutes les expériences qui ont été vécues pour nous obliger à dépasser le doute, finalement? Toutes les expériences que nous vivrons, que les hommes vivront, seront dirigées dans leur essence, à ce que l'homme en arrive à dépasser le doute. Parce que le dépassement du doute équivaut, sur le plan cosmique de la conscience de l'homme, à l'élimination de toutes les personnalités qui font partie de son astral. Autrement dit, c'est comme si je disais, l'homme est sur le plan matériel ici, et sur différents plans de l'astral, autrement dit, sur différents plans du monde de la mort, il y a des personnalités avec lesquelles il est connecté. Ce fil connecteur, il devient éventuellement sa spiritualité. Il devient les forces astrales psychiques en lui qui travaillent et qui manipulent son ego. Donc, il devient, ces personnalités deviennent la source de son intuition. L'homme, un jour, devra établir un lien étroit entre son être ici et sa propre lumière. Et toutes ces personnalités ici, qui font partie de son entre-deux, seront éliminées, et c'est là que le doute sera détruit dans l'homme. Lorsqu'il n'y aura plus de doute dans l'homme, l'élimination des personnalités créera un canal. Ce canal, ce sera le passage de la lumière dans l'homme, ce sera la fusion. Mais dans cette expérience de transition, il y aura une grande souffrance parce que, bon, prenons un exemple évident. Admettons que dans la salle, il y a une personne très spirituelle qui est pendant des années travaillé, cherché, voulu comprendre. Hein? Et qu'un jour, tout ce qu'elle a fait pendant des années, Détricoté. Qu'est-ce qui se passe? Le doute, la souffrance. Les hommes vivront ceci. Les hommes vivront ceci sur le plan psychologique des valeurs sociales. Les hommes vivront ceci sur le plan psychologique des valeurs spirituelles. Ceux qui sont très, très sensibles vivront ceci sur le plan psychique de leur être, c'est-à-dire qu'ils seront obligés, ils seront amenés éventuellement à pouvoir même contester ce que des personnalités dans l'invisible ici leur rendent, leur donnent d'information, personnalités qui les rendent psychiques, mais qui ne les rendent pas autonomes. Autrement dit, un être, ce qu'on appelle un homme, dans le sens de l'avenir, c'est un homme qui, sur le plan matériel, sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental, n'est jamais dominé. C'est ça un homme. Le produit, la raison de l'évolution, pourquoi l'homme a passé des stages euphoriques de la période pré-adamique au stage d'aujourd'hui qui sont convulsifs, à un autre stage demain qui ne sera pas euphorique, mais qui sera grand et créatif. Pourquoi? Pourquoi l'homme n'a pas passé du stage adamique directement et pourquoi il n'a pas été maintenu pour passer au stage de demain? Parce que l'homme avait besoin de ce que nous appelons un centre mental, que nous appelons un ego. Pourquoi l'ego? Parce que l'ego représente, sur le plan universel, sur le plan cosmique, il représente une formulation idéale de la lumière à partir du moment où cet ego est rempli d'elle. Si cet ego n'est pas rempli de cette lumière, il ne représente pas un stage idéal de la lumière, il fait encore partie des ténèbres de l'évolution, donc il est sujet aux lois de la mort. À partir du moment où il représente idéalement le principe de cette lumière, autrement dit qu'il est capable de la supporter, il devient un canal de cette énergie. Donc cette énergie peut agir à travers lui et il peut faire des choses que l'homme nouveau fera, donc donner naissance à une nouvelle civilisation dont la technologie de base sera totalement immatérielle, mais sujet à la volonté de l'homme, sujet à l'intelligence de l'homme, sujet à l'amour de l'homme, parce que l'homme sera composé de trois principes. Parce que le principe de la volonté aura été exercé dans le dépassement de l'involution, le principe de l'intelligence aura été amené à partir de 69, le principe de l'amour aura été reconnu à partir du moment où l'homme aura reconnu qu'à l'intérieur de son mental, il y a toujours des êtres, des personnalités qui font partie de son passé, qui le manipulent pour maintenir le pouvoir dans la mort afin que la vie sur la terre soit morte. Et ça, c'est ça. Bon, il y a des hommes qui ont vécu de grandes souffrances pour pouvoir analyser, décoder, voir, déchiffrer, briser le lien de la mort sur le plan matériel. Moi, j'en représente un, il y en a certainement d'autres. Ces hommes connaissent les lois de la vie, ils connaissent les lois de la mort, et ils ne peuvent pas, par la médiumnité, être empêchés de savoir. Parce qu'un homme qui est dans sa lumière, il sait toujours plus que les entités dans le monde de la mort. Et ça, c'est une des raisons fondamentales pourquoi aujourd'hui, sur les plans astraux, dans le monde de la mort, il y a énormément de tremblements, énormément d'émoi, parce que les morts sont des êtres qui sont un peu comme nous. Ils ont été enculés par les forces lucifériennes. Mais avant, ils ne le savaient pas. Et ce sont les hommes de la terre, les nouveaux initiés, qui vont leur faire savoir. Donc, automatiquement, il se produit dans le monde astral une très grande révolution, un très grand changement, et il y aura éventuellement une prise de position nouvelle vis-à-vis les âmes qui sont dans ces mondes, et éventuellement, ces âmes se libéreront, pourront revenir sur la Terre ou pourront aller sur une autre planète, mais cette fois, ils sauront que, finalement, la lumière et la matière sont unies. Mais il y a une règle du jeu dans l'invisible, c'est celle de savoir, pour l'homme conscient, que la vie, ce que nous appelons la vie, poétiquement, spirituellement, que la vie, c'est de la merde. Un homme qui ne sait pas que la vie, c'est de la merde, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est la vie. Parce que la vie, ce n'est pas simplement un mouvement de l'énergie à travers les sphères jusque dans la matière. La vie, c'est un mouvement de la lumière à travers les formes qui ont été créées par l'ancienne vie pour le débouchage sur une autre vie. Autrement dit, la vie qui existe sur notre planète aujourd'hui, ce n'est pas la vie. C'est une forme d'existence biologique, pensante, sciente, mais à l'intérieur de laquelle la lumière n'existe pas, donc à l'intérieur de laquelle l'homme n'est pas, donc à l'intérieur de laquelle le néant, l'absurde, l'abysmal existe, à l'intérieur de laquelle la mort règne. Ça, ce sera détruit lorsque l'homme passera à la deuxième fondation. Il va y avoir une mutation de la mort. Une mutation totalement de la mort. Lorsque l'homme mourra, il ne mourra pas, il changera simplement de plan. L'homme sera content de mourir. Parce que, à ce moment-là, il regardera ce qu'il aura fait. Il sera fatigué. Il sera tanné. Il ira travailler ailleurs. Il changera de job. Tandis que maintenant, on se fout à la porte. Vous comprenez la différence? Pour en revenir à l'ego, là, et son rôle dans cette initiation solaire, vous avez abordé un peu l'ego. Est-ce qu'on pourrait dire que l'ego est le gagne-pain de l'esprit, dans le sens qu'il gagne le pain de la lumière à la sueur de son front, de ses expériences dans la vie? L'ego, en fait, ce qui souffre en nous à travers cette initiation-là, c'est l'ego, dans cette volonté de dépasser le doute. Comment aussi savoir faire la différence entre une volonté qui est appliquée, là, un choix, maintenir ce choix-là dans une volonté, c'est bien difficile pour nous autres. Savoir si on a raison, par exemple, d'appliquer un choix volontairement quand tout nous prouve le contraire, de se maintenir. Vous ne pouvez pas séparer volonté d'intelligence. La raison, d'ailleurs, le développement de la volonté, ça va venir avec l'évolution de l'homme nouveau, de la même façon que l'intelligence et la compréhension du monde. Les hommes qui vivent ces expériences-là ne sont pas gratifiés par la vie, ne sont pas gratifiés par le social, par quoi que ce soit. Ils souffrent beaucoup. Les hommes, vous voulez dire les hommes qui vont vers l'évolution? Les hommes sont dans cette transition, oui. Oui, mais c'est justement ce que je veux dire. Les hommes qui sont dans cette transition, la seule différence entre les hommes qui sont dans cette transition, si vous voulez, et les hommes qui ne le sont pas, c'est que les hommes qui sont dans cette transition sont trop conscients pour voir la vie telle qu'elle est, donc ils souffrent. Les hommes qui ne sont pas dans cette transition, ils sont inconscients de la vie telle qu'elle est dans sa réalité, mais ils sont conscients perceptiblement de la vie telle qu'elle est dans son irréalité, et eux autres souffrent aussi, mais ils ne souffrent pas de la même façon. Un homme conscient ne souffre pas de la même façon qu'un homme inconscient. La souffrance de l'homme inconscient, c'est une souffrance pour l'âme, elle sert à la mort, elle sert à l'évolution des modèles de vie futurs. Tandis que la souffrance de l'homme conscient sert à la transmutation de son mental. Un homme conscient qui souffre éventuellement, je parle conscient, un homme conscient qui souffre éventuellement devient totalement identifiable à lui-même. Il devient totalement libre. Tandis qu'un homme inconscient qui souffre, il subit la souffrance. L'homme conscient qui souffre, il ne subit pas la souffrance. Il la vit à cause de sa sensibilité, à cause de l'énergie de la lumière qui entre en lui et qui passe à travers les différents plans de sa conscience. Vous croyez que ce n'est pas une souffrance lorsque la lumière descend dans l'homme et qu'elle fait éclater, par exemple, les hautes formes du sacré? Un homme qui est spirituel, un homme qui est moindrement spirituel, comme nous l'avons été, et que cette lumière passe dans l'homme, et qu'elle est télépathiquement représentative de son mental, et qu'elle lui dit, ça, c'est ça, et que tout le château de cartes de son évolution tombe. Vous croyez que ce n'est pas une souffrance? Et l'homme, lui, il est obligé de supporter et de ne pas devenir fou. Donc, dépasser le doute. Il n'y a pas de choix. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est à l'origine de tout. La lumière, elle est à l'origine du matériel, du plantaire, de l'animal, de l'homme, du surhomme et des autres êtres qui viendront après. La lumière, elle est à l'origine de tout. Donc, la lumière, lorsqu'elle est véhiculée ou qu'elle se canalise dans un être humain, lorsque les sens ont été ouverts, lorsqu'elle descend sur une planète comme elle l'a fait en 69, elle ne peut plus être arrêtée, cette énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmute. Elle va transmuter certains êtres plus rapidement que d'autres parce qu'ils sont plus sensibles. Mais quand elle passe, c'est pour ça que je disais dernièrement, il n'y a aucune nation, il n'y a aucune forme de gouvernement dans le monde qui puisse retarder l'évolution de l'homme en tant qu'individu. qui puisse retarder l'évolution de l'humanité, oui. Mais qui puisse retarder l'évolution de l'homme en tant qu'individu, c'est impossible, parce qu'un homme qui est dans cette énergie, qui est dans finalement dans cet autre plan mental, il sait. Il n'y a rien de plus facile au monde que de savoir, parce qu'il n'y a aucun effort. Mais pourquoi? Parce que les couches de l'oignon ont été enlevées. Ce qui rend le savoir difficile et qui fait du savoir de la